Mardi 11 septembre 18h, comme un chinois en Chine. Ça y est, je suis un habitué, ou presque. La cour est comme un bistrot. On y retrouve des connaissances, on rencontre de nouvelles têtes. Ce matin, il y a Bébert, et nous jouons aux mots fléchés. Il m'offre même une cigarette. C'est cette cigarette, je crois, qui nous a amené du public. Pas les mots fléchés. Quand on fume, ici, il faut savoir faire fumer les autres. La demande de cigarette est pressante, constante, plus ou moins insistante. Voire parfois menaçante. Habib, celui qui le premier jour dans la cour, m'avait arrêté en compagnie de Tommy. Habib à la gueule d'assassin, m'a d'ailleurs prévenu tout à l'heure. Il était avec Yacine, le Corse, une autre belle brute dont je fais connaissance pour la première fois. T'as du tabac, toi? Non, désolé. C'est vrai que j'en avais pas. T'en as pas, mais tu vas en recevoir. Quand t'en auras, tu nous en donnes. Il me dit ça d'un ton définitif. Ce n'est même pas à discuter. D'ailleurs, je ne discute même pas. Je sais que demain, normalement j'en aurai. Je recevrai le tabac que j'ai cantiné. Je sais déjà que je devrais partager le paquet. Tout le paquet, saurais-je en garder ne serait-ce qu'une part pour moi, nous verrons bien. L'après-midi, il y a comme d'habitude plus de monde. Trois tolards jouent aux cartes. Il m'invite à faire le quatrième. Ça c'est une intronisation, ou je me trompe. Puisqu'on est à Marseille, la partie de cartes prend vite un côté théâtral. Avec mon accent marseillais peu prononcé, je joue les monsieur Drin. Il y a là. Il y a un grand costaud braillard, dont le large sourire laisse voir une mâchoire édentée. À ça, un petit tout sec portant une fine barbe grisonnante. Et Cédric, un garçon taciturne au regard sombre. Sombre comme son humeur. Je ne sais quel crime il a bien pu commettre pour avoir un regard aussi sombre. Cédric est mon partenaire. Attention. Je ne joue qu'avec des professionnels. J'ai qu'à bien me tenir, et à rester prudent dans mes annonces. Je ne suis pas encore tout à fait chez moi, mais d'être invité à jouer aux cartes ici, avec ces gaillards-là, ça vaut une invitation à l'Élysée. Au début, on est timide. À présent on se décontracte, enfin on se sent à l'aise. C'est vrai que je m'amuse. À présent, je lève les yeux. Pas encore vraiment pour dévisager les autres, mais au moins pour croiser leurs regards. Vu de dehors, tout ce beau monde peut paraître pigreux et criminel. Mais, va, je vais bien parmi ceux-là. Mon vieux jean pas lavé, ma tête de tache et mes pieds sales me font même un peu honte. Je vais devoir soigner tout ça. À part mon crâne, qui n'est pas rasé comme le leur, je fais à présent partie de cet aréopage. Jouer aux cartes c'est comme partager du pain. La prison est-elle une société? Pas vraiment. Mais là aussi, il s'agit de paraître pour exister. C'est ainsi que le grand Léviathan nous avale.